mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et les flingues de concours. Si ces messieurs veulent bien me les confier. Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu.